Elle a pour le bel arsenic un béga plus que prononcé. Je réserve mon diagnostic sur ses méthodes déplacées. Elle manie avec tant de charme la botanique et l'alchimie que je suis tombé sous ce charme un soir de brume et de fumée. Si le cyanure l'intéresse autant que ciguë et jasmin, elle a eu pour moi la faiblesse de m'accorder sa main. C'est une belle empoisonneuse qui m'a empoisonné la vie. Plus que le poison, c'est la femme qui me cause bien du souci. Elle a donc bien pour le curare fait de moi sa seule exception. Curare, curare, et je m'en fers comme le poison à l'hameçon. Plus venimeux que la morsure d'un joli serpent à lunettes, je suis tombé en pamoison sous l'influence de sa passion. Fallait-il que je m'emprisonne dans le filet de ses gris-gris? Je suis tombé comme un pauvre homme dans son chaudron tout cuit. C'est une belle empoisonneuse qui m'a empoisonné la vie. Plus que le poison, c'est la femme qui me cause bien du souci. Elle vit ainsi sur le qui-vive de décoction en décoction, pour amener sur l'autre rive les inconnus, les bons vivants. Elle donne ainsi dans les mélanges de la belladone au safran. C'est pour sûr que ça vous dérange de l'enfant de cœur au grand savant. C'est pour sûr que ça vous dérange l'estomac, le foie et les reins. Ça vous envoie vers l'autre monde en deux fois trois, voire rien. C'est une belle empoisonneuse qui m'a empoisonné la vie. Plus que le poison, c'est la femme qui me cause bien du souci. Imaginez bien le chantage qu'elle me fait vivre au quotidien. Si tu me quittes, je t'invite à goûter ce jus de ricin. À moins que la digitaline, poison du cœur s'il en fut, soit plus heureux que la strychnine pour toi, mon amour, mon vaurien. Et c'est pour toi que je réserve la plus belle de mes décoctions. Et c'est pour toi que j'affectionne le plus subtil poison. C'est une belle empoisonneuse qui m'a empoisonné la vie. Puisque le poison, c'est la femme qui me cause bien du souci. C'est une belle empoisonneuse qui m'a empoisonné la vie. Puisque le poison, c'est la femme qui me cause bien du souci.